Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les Romains de l'Antiquité se régalaient-ils de boudins d'ours ou de coups de girafe, hein, comme les Romains dans les aventures d'Astérix? Les Romains de l'Antiquité mangeaient-ils des chenilles à la purée de fraises ou des couilles d'oursin aux amandes, comme dans la série Kaamelott d'Alexandre Astier? Les Romains se goinfraient-ils de tétines de truies grasses, de gazelles, faisans, flamands géants, comme on peut le lire chez Juvénal? Quand il s'agit de se mettre à table dans l'Antiquité, nous sommes tributaires des représentations picturales. Ah, les Romains de la décadence de Thomas Couture en peinture et le Satyricon de Fellini au cinéma, orgie ou frugale, mais quelle était la cuisine romaine? Allez, à table. Alors j'ai évoqué ici quelques recettes à la fois fictives mais certaines venues de sources. Il y a du boudin d'ours, du cou de girafe farci, il y a des chenilles à la purée de fraises et des couilles d'oursin aux amandes. Dimitri Tillois d'Ambrosie, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Tout cela est-il réel ou est-il complètement fictif? Donc ces recettes que vous avez citées, qu'on trouve chez Astérix, notamment dans Kaamelott par exemple, évidemment, elles suscitent une vision d'exotisme par rapport à la cuisine romaine. Alors la lecture des sources antiques, évidemment du fameux Satyricon, des recettes d'Apicius, finalement peuvent avoir une certaine proximité avec ces recettes fantaisistes, dans le sens où on peut trouver effectivement des assemblages d'aliments tout à fait qui pourraient nous paraître étranges, en tout cas, tels des oursins, des vulves de truie par exemple. Mais évidemment, tout cela doit être nuancé puisque il s'agirait d'une forme de haute gastronomie qui n'est pas nécessairement la cuisine pratiquée au quotidien. Et puis, surtout, j'ajouterais que finalement, cette vision d'une cuisine fantaisiste, gargantuesque, parfois on pourrait dire, eh bien, a été très largement amplifiée à la fin de l'Antiquité par les auteurs chrétiens, et puis à l'époque moderne et contemporaine par la littérature, la peinture, vous citiez le tableau de Thomas Couture qui évidemment exalte cette vision, ou bien plus récemment les péplums ou la bande dessinée comme Astérix. Donc on a en effet un fond de vérité dans les sources, évidemment plus nuancé que ce que l'on peut lire dans Astérix, mais voilà, ces œuvres contemporaines s'appuient sur une part de réalité donnée à voir par les sources, mais qui doit être nuancée, et des sources antiques qui bien souvent sont empreintes de morale et d'un regard très critique. Dimitri Tillois d'Ambrosie, vous êtes agrégé docteur en histoire, chargé de cours à l'université Lyon 3. Vous êtes l'auteur de l'Empire romain par le menu aux éditions Arquet, et puis des voyages d'Adrien sur les traces de l'empereur nomade et sur les traces de l'Antiquité antique. Nous allons retrouver tout de suite Véronique Ezek. Bonjour. Bonjour. Conseillère scientifique de l'exposition Dernier repas à Pompéi au Musée de l'Homme, et vous êtes chargée de recherche au CNRS et archéobotaniste au Muséum d'Histoire Naturelle. Mais dites donc, Véronique Zec, quel est votre métier archéobotaniste? Ça va nous aider, là, nous évoquions les sources pour savoir ce que mangeaient les Romains. Oui, tout à fait. Donc, je travaille sur des restes de plantes conservés dans les sites archéologiques, notamment des fruits et des graines. Et ça donne donc un regard sur toutes les relations qu'entretenaient les sociétés anciennes avec le monde végétal, aussi bien pour l'alimentation que pour d'autres usages, notamment dans l'artisanat. Et puis il y a le cas particulier de Pompéi, où alors là la conservation s'est faite également, mais de manière exceptionnelle. Oui, tout à fait. Il y a énormément de denrées alimentaires qui sont préservées dans le site. Grâce notamment au phénomène de carbonisation, donc une transformation de la matière organique en carbone sous l'effet de la chaleur. C'est ce qui a permis la préservation pendant plusieurs siècles de ces restes. Et la magie du site de Pompéi, c'est que ces restes alimentaires sont préservés en contexte, associés aux ustensiles qui permettaient de les transformer et aux espaces de préparation et de consommation de la nourriture. Voilà, c'est un instantané de la vie d'une cité romaine au 1er siècle après Jésus-Christ. La conservation qui est évidemment le souci des archéologues, mais qui était déjà le souci des Romains, des Romaines de l'Antiquité quand il s'agissait de conserver les aliments. Ah bah oui, c'est pas simple pour garder la viande fraîche. Ut carnes sine sale, quo vis tempore recentes sint. Carnes recentes quale volveris mele tegantur, sed vas pendeat et quando volveris utere. Hoc ieme melius fit, estate possis diebus durabit, et in carne cocta itidem facies. pour garder fraîche à tout moment la viande sans la saler. Recouvrez de miel la viande fraîche que vous voudrez, mais en suspendant le récipient et utilisez-la à votre convenance. Elle se conserve mieux en hiver, mais peu de jours en été. Faites de même pour la viande cuite. Un extrait de l'art culinaire d'Apicius. Plaisir d'entendre du latin, mais ça, c'était diffusé sur France Culture en avril 1982, la radio sur la place. Apicius, personnage extraordinaire, Dimitri Tillois d'Ambrosie, parce que il nous offre des recettes. Oui, donc Apicius, personnage évidemment au nom qui s'impose hein, lorsqu'on évoque la cuisine romaine, et pourtant un personnage sur lequel finalement on sait relativement peu de choses hein, quant à sa biographie, puisque on sait qu'il a vécu à l'époque de Tibère, hein, donc Tibère qui règne entre 14 et 37 après Jésus-Christ. Et donc cet Apicius est réputé pour être un grand gastronome, capable d'aller jusque sur les côtes libyennes pour observer la taille des fruits de mer. Hein, c'est ce qui est rapporté notamment par Athénée de Nocratis. Mais il faut évidemment remettre en place certaines réalités historiques concernant son œuvre et concernant cette personne. Apicius, de toute évidence, ne semble pas être directement un cuisinier. Il faut davantage le qualifier comme étant un gastronome intéressé par la cuisine. Il faut rappeler qu'Apicius appartiendrait à l'ordre équestre, c'est-à-dire aux catégories supérieures de citoyens romains, en dessous des sénateurs. Donc cela signifie que s'adonner de façon trop abondante à la cuisine, de façon trop passionnée, serait très mal vu dans le sens où le métier de cuisinier est dévalorisé dans la Rome antique, puisque ce sont bien souvent des esclaves ou des affranchis, en tout cas des personnes de rang inférieur. Ensuite, concernant l'œuvre elle-même, l'œuvre de l'art culinaire, hein, d'Ere Coquinaria que l'on connaît assez bien maintenant, eh bien cette œuvre n'a pas été rédigée d'une seule main par Apicius. Il s'agit en réalité d'une œuvre compilée à l'époque tardive et même dont le texte final s'est fixé à l'époque médiévale. Ce qui est intéressant puisque cela montre que ce texte a finalement une longue postérité après l'Antiquité. Et puis un autre point, c'est qu'en fait, je viens de le dire, c'est une compilation qui puise dans différents types de sources. Des œuvres gastronomiques, des œuvres culinaires, mais également des œuvres médicales, probablement des œuvres agronomiques. Donc il s'agit en fait d'une diversité de recettes hein, mises à disposition du lecteur. Quant à savoir si ces recettes étaient réellement appliquées encore à la fin de l'Empire ou est-ce qu'il s'agissait d'une lecture hein, que l'on pratiquait par distraction, bon, cela reste évidemment à déterminer. Et en tout cas, j'ajouterai un autre point, on estime aujourd'hui qu'Apicius n'a jamais rédigé un livre complet de cuisine, puisque on n'a aucune mention de d'un tel texte en fait dans les sources ultérieures quand d'autres œuvres culinaires sont mentionnées. Et compte tenu de la réputation d'Apicius, hein, dont le nom est proverbial, Tertullien n'hésite pas à dire que tous les cuisiniers peuvent être surnommés des Apicius, même si, comme je viens de le dire, hein, il faut davantage le considérer comme un gastronome. Le fait qu'on ne mette pas en avant un tel ouvrage signifie bien qu'il s'agit d'une création ultérieure. Mais en tout cas, c'est une des principales sources, évidemment, à notre disposition pour qui veut connaître la cuisine antique. Une difficulté étant, évidemment, le manque de précision de certaines de ces recettes pour lesquelles nous n'avons pas les quantités, les mesures, notamment en termes de produits aromatiques d'une part. Et puis, ces recettes nécessitent aussi d'avoir sous la main de nombreux produits aromatiques, mais qui pouvaient à l'époque être facilement trouvés autour du bassin méditerranéen, et puis d'autres plus lointains qui étaient importés, comme les épices, tel le poivre. Et évidemment, Véronique Zec, archéobotaniste, vous trouvez des choses, vous étudiez des graines, et parfois beaucoup plus que des graines, c'est-à-dire des plats préparés, voire du pain, et vous le confrontez avec ces sources, et notamment ces sources littéraires. Est-ce qu'il y a des similitudes évidentes ? Oui, il y a beaucoup de produits, de denrées alimentaires qui sont retrouvés, mis en évidence grâce à l'archéobotanique. Beaucoup de produits qui sont venus petit à petit enrichir ce patrimoine culinaire. Donc, effectivement, énormément d'espèces exotiques qui ont été progressivement acclimatées, domestiquées et diversifiées sur place. Et également, beaucoup de produits qui restent des produits importés parce qu'on ne pouvait pas les cultiver localement, comme les dattes, certaines épices, le poivre qui provient d'Inde, les dattes provenant d'Afrique du Nord ou de la péninsule arabique. Et également des restes de préparations alimentaires tels que des pains et d'autres pâtes à base de céréales. Et pour pouvoir identifier les ingrédients à la base des farines et à la base de ces préparations, on utilise des techniques d'imagerie à haute résolution qui permettent en fait, de rechercher des petits éléments au sein de ces pâtes qui vont nous permettre de poser un diagnostic sur les céréales qui ont servi à les confectionner. Et est-ce que ça correspond aux sources? Est-ce qu'il n'y a pas dans les textes une surreprésentation des mets exotiques par rapport à la réalité de ce que l'on peut trouver à base sans doute de céréales, notamment ces pains, ces bouillies? Oui, il y a des espèces qui apparaissent comme des ingrédients courants dans les textes, entre autres le poivre d'ailleurs, mais aussi le gingembre, la livèche, d'autres épices, qu'on ne retrouve pas fréquemment dans les restes archéobotaniques, alors que d'autres épices comme la coriandre ou le cumin sont beaucoup plus fréquents, par exemple. Donc il y a des petites distorsion, mais on met également, grâce à l'arc botanique, en évidence des mouvements importants dans les espèces qui sont privilégiées. C'est notamment le cas, par exemple, au sein des cultures céréalières, où on peut mettre en évidence des grands changements dans les types d'espèces qui sont privilégiées au cours du temps, notamment en parallèle du phénomène d'urbanisation ou d'émergence des grandes mégapoles comme Alexandrie ou Rome, où on va en fait privilégier des grains qui sont faciles à nettoyer et qui vont être des grains qu'on va pouvoir utiliser directement pour la mouture, pour l'alimentation. Et puis... c'est aussi un des intérêts de l'archéobotanique, c'est qu'on a une vision sur le temps long de phénomènes de remplacement ou d'émergence de certaines espèces. C'est ça qui est toujours nécessaire, les grilles de lecture et sur une période telle que Rome. Alors, vous, Dimitri Thilloy d'Ambrosie, vous avez écrit sur l'Empire romain par le menu, c'est bien l'Empire qui vous intéresse, mais nous pourrions également regarder la République romaine. Il y a la chronologie à prendre en compte et puis la différence entre les villes, les campagnes. Partout où l'Empire est immense, et puis également la position sociale, y a-t-il un trait dominant qui caractérise la cuisine des Romains dans l'Antiquité? Alors je pense que lorsque l'on parle de cuisine romaine, il vaudrait mieux parler de cuisine au pluriel, en distinguant évidemment la cuisine du plus grand nombre, une cuisine humble, assez simple, qui repose sur une consommation avant tout de végétaux, mais... Je pense qu'il faut aussi nuancer l'hiérarchie sociale que l'on présente parfois de façon trop tranchée, puisque l'archéologie le montre également, mais les textes aussi, que finalement le peuple, notamment le petit peuple des villes, pouvait tout à fait avoir accès à des préparations contenant de la viande ou consommer même des petits poissons, donc finalement une alimentation qui est assez diversifiée. Ce qui distingue finalement le petit peuple de l'élite, qui représente évidemment une minorité, ce sont évidemment les quantités, la qualité des produits, puisque les Romains y attachent une très grande importance, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors, concernant l'élite, vous parliez de chronologie, et là, c'est évidemment important d'effectuer une nuance en fonction des périodes auxquelles on se trouve. À l'époque républicaine, en fait, se produit un tournant tout à fait important, autour du deuxième siècle avant Jésus-Christ essentiellement, une époque où Rome mène de grandes conquêtes en Orient, sur l'Orient hellénistique, donc en Asie mineure, en Syrie, et lors de ces conquêtes, finalement, Rome va être en quelque sorte subjuguée par le raffinement du vaincu, qu'il s'agisse d'art, de médecine, de littérature, eh bien la gastronomie y tient une place tout à fait importante. Et donc à partir de là, les Romains qui vantaient les mérites d'une nourriture frugale, à l'image des grands généraux de l'époque républicaine, comme Cincinnatus par exemple, ou Manius Curius Dentatus, qui consommaient de simples raves ou de navets, les élites qui s'enrichissent, les élites qui sont au contact de ce monde oriental raffiné, condamné d'un point de vue moral, mais en même temps qui fascine, eh bien, des changements importants vont se produire, mais une fois de plus, pour une élite. À partir de ce moment-là, on voit le raffinement gastronomique connaître un essor important, et certains historiens, comme Tacite notamment, ou Pline l'Ancien dans l'histoire naturelle, ont conscience qu'un changement se produit. On voit se développer certaines manifestations de raffinement gastronomique, et par exemple, l'essor des viviers, qui permettent d'élever des poissons et d'en disposer à tout moment pour sa table, en particulier en Campanie, et là on pense par exemple à Caius Sergius Horata ou au fameux Lucullus, montre bien le luxe qui est déployé, les moyens qui sont déployés pour finalement satisfaire le plaisir du goût, le plaisir de la table. Mais une fois plus, ces raffinements concernent une petite minorité tant ils sont dispendieux. Alors ensuite, lorsque l'on regarde sur un temps un peu plus long, à l'échelle de l'époque impériale notamment, On peut en effet observer certaines constances dans ce qu'on pourrait qualifier d'une haute cuisine, qui est aussi finalement une source de distinction pour les élites. On peut distinguer, on l'a mentionné tout à l'heure, hein, le goût pour les mélanges de saveurs variés, parfois opposés, ce qui fait un petit peu écho évidemment à l'émission d'hier hein, sur la cuisine chinoise. On n'hésite pas à mélanger des saveurs amères, poivrées, avec la douceur du miel par exemple. Et puis, comme je le mentionnais, un plaisir à savourer des produits dont l'origine contribue au prestige. On est très attentif hein, à l'origine géographique des produits, et cette quête de bons produits finalement est une constante hein, chez les élites à l'époque impériale et également à partir de la fin de la République. Les amphores, hein, l'archéologie en témoigne aussi, puisqu'on retrouve des inscriptions peintes sur certaines amphores qui indiquent l'origine géographique du produit, sa qualité. On va indiquer qu'il s'agit par exemple de fleurs de miel ou de fleurs de garum, si on évoque la fameuse sauce de poisson. Donc à partir de ce tournant des conquêtes, se met en place finalement une cuisine qui va connaître une certaine permanence hein, durant l'époque impériale, avec certaines innovations qui seraient liées surtout à l'introduction de produits nouveaux. Et je pense notamment à certains fruits qui sont importés d'Orient. Pensons par exemple à la cerise, à l'abricot, qui vont connaître un certain succès sur la table des élites. Et que trouve-t-on dans les amphores? Eh bien oui, effectivement, parfois nous trouvons du garum. On apporte une murène couchée au milieu de skis, nageant dans un large plat. Là-dessus, le maître dit « Elle a été prise pleine. Après le frais, la chair en eût été moins bonne. La sauce a été faite avec les ingrédients que voici. De l'huile, du garum fait avec du suc du poisson d'Espagne, un vin de Kyo de 5 ans, mais produit de ce côté-ci de la mer, pendant la cuisson, du poivre blanc, non sans vinaigre, de celui que donne en s'altérant le jus des raisins de Métine. Horace. » Horace qui nous parle des nourritures de la mer. C'était l'émission de Bouche à Oreille sur France Culture en octobre 2003. Véronique Zec, nous évoquons ces amphores et puis avec vous qui connaissez la manière d'identifier les restes, même infimes, tout au fond des amphores. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que sont ces produits assez fabuleux? Et nous évoquions là le garum. Donc le garum, c'est une sauce préparée à partir de poissons et de viscères de poissons, avec différentes qualités en fonction des espèces qui sont sélectionnées. Et donc ce sont des poissons mis à macérer avec du sel, et donc il va y avoir une fermentation qui s'opère. Ensuite ces sauces sont filtrées, et c'est un des ingrédients de base de la cuisine romaine qui lui donne un goût assez spécifique et qu'on va associer à toutes sortes d'autres mets. Beaucoup de plats sont des plats en sauce mijotée, donc on va également adjoindre énormément d'épices. Il y a effectivement une curiosité pour la diversité à la fois animale et végétale, avec l'apport d'énormément d'épices, de légumes, de fruitiers et exotiques, et vraiment un patrimoine végétal et animal qui va s'accroître au cours du temps. Parmi les exotiques dans les fruits, il y a tout ce qui concerne effectivement les rosacées, donc les cerises, les prunes, la pêche qui est d'introduction récente en Italie. Les premières mentions de pêche, c'est le premier quart du premier siècle après Jésus-Christ. Donc c'était une espèce exotique qu'on a acclimatée sur place, mais qui était vraiment d'introduction récente. Dans les fruitiers exotiques, il y a également tous les agrumes. Il y a la grenade, la noix, tout ça, ce sont des fruits qui, au départ, ne sont pas des espèces indigènes et qu'on va acclimater et diversifier, notamment grâce à la maîtrise des techniques de greffe qui sont déjà donc décrites chez Théophraste. Oui, la pêche qui vient de Chine, qui vient de très loin, la pêche, élément intéressant, qui nous montre là quelque chose qui se trouve en marge. Dimitri Tillois d'Ambrosie, la pêche n'est pas mangée tous les jours par tous les Romains, bien sûr. La question qui se pose, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette. En fait, est-ce que c'est une assiette avec beaucoup de viande, plutôt du poisson, beaucoup de légumes? Les légumes sont essentiels. Alors oui, les produits végétaux, tels que les légumes et les légumineuses également, qui sont d'un apport énergétique conséquent, tiennent une place tout à fait importante au quotidien, et également les préparations à base de céréales. Donc cette complémentarité finalement céréales, légumes, légumineuses constitue vraiment un des fondements de l'alimentation antique. Et effectivement, lorsque l'on regarde les recettes, alors qu'il s'agisse d'ouvrages, de recettes culinaires comme Apicius, de recettes médicales également, chez Galien par exemple, ou d'œuvres littéraires de façon plus large, eh bien en effet on trouve des préparations assez nombreuses où l'on va utiliser de nombreux légumes tels que des navets par exemple, on peut trouver des panais par exemple, des carottes qui sont un petit peu moins appréciées, et en effet donc des légumineuses qui au quotidien tiennent une place centrale. On pense aux lentilles, on pense aux pois, aux fèves notamment. Alors des produits sur lesquels les élites tiennent parfois un regard condescendant, notamment les fèves qui sont justement associées au milieu plutôt populaire. D'ailleurs l'étymologie faber renvoie aussi au nom donné aux ouvriers. Donc il y a aussi une hiérarchisation des produits qui doit être prise en compte et qui est tout à fait intégrée par les élites. Donc au quotidien en effet des produits végétaux qui sont prépondérants. Ensuite les produits d'origine animale, viandes et poissons, tiennent aussi une certaine place. Alors les poissons, évidemment il faut distinguer les poissons de haute mer qui sont prisés de l'élite, qui peuvent valoir des sommes astronomiques pour l'époque. On nous mentionne dans les sources satiriques par exemple des poissons qui peuvent valoir jusqu'à plusieurs milliers de sesterces pour l'unité. Mais évidemment au quotidien, le peuple, mais les sources textuelles en parlent finalement assez peu, alors que l'archéozoologie le montre, les petits poissons sont également consommés. Alors ensuite du côté des viandes, le porc tient une place également tout à fait fondamentale. Le porc qui se décline sous différents produits, notamment des saucisses qui sont très largement appréciées. On trouve par exemple des recettes de saucisses de Lucanie, donc qui viennent du sud de l'Italie, qui connaissent un succès dans toute l'Italie. Donc les produits dérivés du porc sont finalement présents au quotidien. Les autres viandes, en tout cas d'après ce qu'en disent les textes, comme le bœuf par exemple ou les ovins, sont moins appréciés. Mais en réalité, l'archéologie montre qu'il faut nuancer cette vision d'un porc qui serait prédominant et omniprésent sur les tables romaines, puisque par exemple sur les frontières, on observe que les soldats mangent de très grandes quantités de bœuf, évidemment aussi par rapport à l'apport énergétique qui est recherché en regard de leurs efforts physiques. Avec toujours cette question, les carottes c'est formidable, bouilli à l'eau c'est très bon d'ailleurs, carottes Vichy, mais le bœuf pareil, il peut être bouilli. Non, la question aussi est celle de la préparation. Comment sont préparés ces plats, Dimitri Tillois d'Ambrosie? Parce que nous avons évoqué les épices déjà, tout cela est très relevé. Alors les textes littéraires finalement nous permettent de déceler un petit peu le goût qui plaisait, en tout cas pour les élites romaines. Eh bien, le talent du cuisinier, finalement, repose sur plusieurs piliers. Il s'agit de la découpe des aliments, il s'agit de la préparation des sauces, il s'agit de la cuisson et de la présentation. Ce sont les quatre piliers, finalement, qui fondent l'art du cuisinier antique. Et d'ailleurs, certains auteurs comme Juvénal se plaignent d'avoir des cuisiniers qui sont mal formés, qui sont ignorants et qui, du coup, ne sont pas aptes, finalement, à atteindre les sophistications et les raffinements qui peuvent être attendus de l'élite, sachant qu'un cuisinier peut coûter très cher. Alors le cuisinier dans sa cuisine doit posséder bon nombre d'épices et d'aromates dont on trouve une liste d'ailleurs dans l'art culinaire d'Apicius, et tout son talent réside dans le fait de mélanger de nombreux produits, parfois aux saveurs opposées, mais les équilibrer. Et donc finalement la cuisine romaine repose sur un art de la dissimulation, je dirais, c'est-à-dire des saveurs qui vont se mélanger, qu'il faut déceler, et donc cet équilibre doit finalement procurer le plaisir. Une logique finalement qui est assez éloignée de la cuisine française contemporaine où on va surtout travailler une saveur qui va être mise en avant, alors que dans la cuisine romaine finalement c'est une multitude de saveurs qui doivent se mêler pour arriver à une forme d'harmonie. Mais j'insiste, il y a le plaisir du goût, il y a aussi le plaisir de la vue, et la présentation des plats est tout à fait importante et doit aussi contribuer au plaisir de la table. Tout à l'heure, on a donné dans l'émission une recette de poisson qui nageait en quelque sorte dans son plat, et ce terme, on le retrouve dans les textes justement. Le poisson, tel qu'il est présenté, doit donner l'impression d'être encore en vie, de nager dans sa sauce. Donc on a une véritable cuisine de l'illusion aussi. Et ce terme d'illusion se justifie par le fait que dans certains textes, et cela est attesté à plusieurs reprises dans les sources, on n'hésite pas à maquiller, à déguiser entre guillemets les plats, ou par exemple on peut utiliser de la chair de porc que l'on va mouler en forme de poisson ou d'autres animaux, donnant l'illusion de manger du poisson a priori, alors que en bouche cela se révèle être de la viande de porc. Alors ce qui est un stratagème bien utile également pour qui n'a pas les moyens de dépenser suffisamment pour acheter des poissons d'un coût parfois assez élevé. Donc le cuisinier doit être finalement un virtuose du goût, dans sa capacité à allier les produits, à allier leurs saveurs, mais il doit également, et ça c'est très important, en avoir une connaissance assez fine. Et les textes, notamment des textes liés au banquet, comme par exemple le Banquet des Sophistes d'Athénée, qui est écrit donc entre la fin du 2e siècle, début 3e siècle après Jésus-Christ, montre bien les connaissances que possèdent également les élites. Donc les élites savent très bien ce qui se trouve sur leur table, et donc l'origine géographique d'un produit, eh bien, plus elle est lointaine, meilleur le produit sera. Donc il y a tout un ensemble de facteurs en fait qui contribuent à la construction du goût, qui est évidemment aussi une construction éminemment culturelle, et qui correspond à un ensemble de normes qui sont tout à fait appropriées et intégrées par les mangeurs de l'époque romaine. Cette semaine, le cours de l'histoire se met à table pour une histoire des cuisines à travers le monde. Et aujourd'hui, nous sommes à la table des Romains de l'Antiquité pour cette cuisine de l'illusion, une cuisine de l'illusion qui nous amène immédiatement au Satyricon. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Nous buvions et nous admirions la magnificence du repas quand un esclave apporta un squelette d'argent, ajusté de telle sorte que les articulations et les vertèbres se mouvaient facilement dans tous les sens. Il le posa deux fois sur la table, et lui ayant donné plusieurs postures par la mobilité de ses mouvements, Trimalchio dit « Hola, hola, misère de nous, comme l'homme tout entier n'est rien, comme fragile et mou, et le fil où pend la vie. Ainsi nous deviendrons tous, après que Pluton nous aura emportés, donc jouissons, tandis qu'il nous est donné d'exister. » Chacun loua cette pensée. On apporta un service que, en vérité, nous n'attendions pas, mais dont la nouveauté attira les yeux de tous. C'était un plat rond, divisé en 12 parties, portant chacune un signe du zodiaque. Chaque partie portait un mets différent approprié. Sur le bélier, les pois, semés sous ce signe. Sur le taureau, un aloyau. Sur les jumeaux, des rognons. Sur l'écrevisse, une couronne. Sur le lion, des figues africaines. Sur la Vierge, la fraissure d'une jeune truie, sur le bélier, des balances, dont un plateau supportait une tarte et l'autre un gâteau. Sur le scorpion, un petit poisson marin nommé scorpion. Sur le sagittaire, un lièvre. Sur le capricorne, une langouste. Sur le verseau, une oie. Sur les poissons, deux barbeaux. Au milieu était un gazon fraîchement coupé, avec un rayon de miel. Pétrone, le Satyricon. Le cours de l'histoire est à table à celle des Romains de l'Antiquité. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Émilie Valla, avec aujourd'hui à la technique Guillaume Leplège. Nous sommes ici dans une question qui à la fois nous touche parce que le repas, nous savons ce que c'est, nous le vivons à tout moment, et en même temps qui nous semble extrêmement lointain dès qu'il s'agit de la nourriture d'il y a quelques millénaires. Dites-nous, Véronique Zeck, vous êtes archéobotaniste. Dans ce que vous avez pu retrouver dans le panel de tous ces restes de repas, vous avez des choses qui vous ont particulièrement étonné? Il y a effectivement des... Enfin, on a surtout des informations sur les ingrédients bruts, et c'est toujours émouvant de découvrir des restes des préparations alimentaires elles-mêmes. Notamment des pains ou d'autres plats confectionnés. Et je dirais que les goûts de cette cuisine, ils nous sont restitués par l'association de ces ingrédients, l'adjonction de toutes les plantes aromatiques, des épices. Mais ils découlent aussi en partie des processus de préservation des aliments, puisque à l'époque, effectivement, c'était un vrai challenge de conserver la viande. Elle était conservée au sel ou par fumage, par séchage. Et pour ce qui est des produits végétaux, on utilisait aussi beaucoup le vinaigre, la saumure ou encore le moût de raisin réduit pour conserver les aliments. Donc ces processus de conservation eux-mêmes, ils leur conféraient déjà des goûts particuliers puisqu'ils n'étaient pas neutres. Donc c'est toujours effectivement émouvant de retrouver ces produits alimentaires parce que ça touche directement à la vie quotidienne et ça nous donne un aperçu aussi de différentes classes sociales, puisque effectivement la nourriture est aussi intimement liée à cette hiérarchie sociale, on ne consomme pas les mêmes produits en fonction des contextes de découverte. Donc on a là un aperçu direct de la vie quotidienne. Véronique Zeck, qu'avez-vous dans votre garde-manger issu de l'Antiquité ? Alors il y a ce pain que nous avons évoqué, c'est-à-dire que là le pain, il a l'air d'être moulé quand nous voyons ce pain. Ce que j'évoque là, c'est ce qui vient de Pompéi. Hein. D'ailleurs, vous êtes conseillère scientifique de l'exposition Dernier repas à Pompéi au Musée de l'Homme. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en fait qui ont été conservées, notamment grâce à Pompéi. Oui, oui, il y a énormément de produits végétaux qui sont d'ailleurs dans la diversité reflétée dans l'exposition. Il y a une vingtaine de produits végétaux qui sont présentés, donc beaucoup de céréales, beaucoup de légumineuses, mais aussi donc des préparations alimentaires confectionnées à partir de celles-ci, donc des gruaux, des pains, des galettes, et également énormément de fruitiers, beaucoup de fruitiers, d'épices qui sont présentés. Et puis, une fois que tous ces ingrédients sont là, eh bien, ça y est, maintenant, il faut les préparer. Allez, place au cuisinier. Je n'ai d'ailleurs pas non plus, pour trancher mes viandes, d'écuyer de haute école, ancien élève du molle magister Triférus, sous la férule duquel on apprend à tailler avec un fer ébréché de superbes maquettes de tétines de truies grasses, de lièvres, sangliers, gazelles, faisans, flamands géants, antilopes, tout un festin de bois résonna aux quatre coins de Subur. Le mien ne saurait pas lever une tranche de chevreuil ou un banc de pintade. C'est un bisu mal dégrossi qui n'a jamais été formé qu'à confectionner des brochettes. Un garçon vêtu sans élégance, mais protégé du froid, te tendra de plébéienne coupe de quatre sous. Aucun des deux n'est phrygien ou lycien, je n'ai pas été les chercher chez un maquignon. Et quand tu passeras une commande, surtout, passe-la en latin. Un extrait des satires de Juvénal, lu par Nathalie Canoui dans le cours de l'histoire, Dimitri Tillois d'Ambrosie. Il est étonnant que les cuisiniers soient si peu considérés dans la société antique. Alors, au sens où j'imagine que certains sont vraiment d'exception, notamment les cuisiniers du palais. Je ne peux pas penser qu'un cuisinier qui est au service de l'empereur soit déconsidéré. Le cuisinier, bien souvent, d'ailleurs la plupart du temps, est un esclave. Oui, l'image du cuisinier est très contrastée dans les sources. Et la description qui en est faite est souvent empreinte d'un discours moral. Et en effet, le cuisinier dans les comédies de Plaute, qui écrit donc au milieu de l'époque républicaine, présente souvent le cuisinier de façon assez stéréotypée comme un esclave fourbe, prêt à escroquer son maître en quelque sorte. Et Plaute est intéressant puisqu'il écrit à une période où justement le métier du cuisinier et son art se développent de façon exponentielle, puisqu'il écrit justement au moment où l'art gastronomique se développe à Rome. Donc il reprend aussi, ça c'est important de le prendre en compte, il reprend également les clichés qui sont déjà véhiculés dans le monde grec, finalement, dans des œuvres comiques. On a certains lieux communs que l'on peut retrouver. Ensuite, à l'époque impériale, les choses évoluent. Bon, cela tient évidemment aux sources dont on dispose. Et lorsque l'on lit certaines œuvres comme le Banquet des Sophistes d'Athénée de Nocratis, donc qui est une œuvre érudite, qui est une compilation de bon nombre d'œuvres d'époque grecque classique et hellénistique, on a l'image du cuisinier qui est présenté comme un véritable artiste, comme un virtuose, comme quelqu'un de savant qui connaît des choses dans de nombreux domaines, tels que les sciences, la géométrie, la médecine, etc., qui doivent être ensuite mises au service de son art. Alors, entre ces deux visions, évidemment, éloignées de la réalité, il est possible d'approcher le cuisinier également par l'épigraphie, une source qu'il ne faut pas négliger, évidemment, lorsque l'on étudie l'alimentation et l'histoire antique en général. Les cuisiniers apparaissent de façon beaucoup plus discrète dans les inscriptions, et l'on voit finalement que ce métier est assez répandu, qu'il est donc lié au monde des esclaves, au monde des affranchis. Mais, comme vous l'avez mentionné, certains peuvent atteindre une carrière assez prestigieuse en étant au service des empereurs. Alors, on a retrouvé à Rome une série d'inscriptions qui justement font état, donc ce sont des inscriptions funéraires, qui font état de plusieurs cuisiniers du palais impérial, qui forment une sorte de corporation, un collège, comme on les appelle dans le monde romain. et dont le but est aussi funéraire, hein, afin d'assurer les funérailles de ses membres, eh bien, ces cuisiniers, évidemment, doivent ravir le palais de l'empereur. Le palais, évidemment, en tant que lieu d'habitat, mais aussi le plaisir en bouche. Alors, ces cuisiniers impériaux, ils apparaissent en filigrane, finalement, dans les biographies impériales. Et les biographies impériales nous livrent bon nombre de détails, justement, sur les plaisirs de l'empereur, sur ses préférences en matière gastronomique. Et un empereur qui, justement, se rapprocherait trop des cuisiniers, voire même s'identifierait aux cuisiniers, serait considéré comme le pire des empereurs. Et cela arrive avec l'empereur Elagabal, qui règne donc au IIIe siècle, hein, qui est un empereur de la dynastie des Sévères, qui se fait même représenter, se fait peindre en tant que pâtissier. Il s'exerce au métier de la cuisine, il organise même des concours de cuisine au Palatin afin de trouver la meilleure des sauces. Alors évidemment, il faut être très prudent, puisque la source qui nous livre ces descriptions, c'est l'Histoire Auguste, une source hein, qui pose beaucoup de problèmes pour les historiens, tant elle contient d'erreurs, d'approximations, voire d'inventions. Donc il s'agit vraisemblablement d'inventions destinées à ridiculiser et à mépriser cet empereur originaire d'Orient et qui est mal vu évidemment de l'élite sénatoriale avec ses pratiques exotiques. Donc montrer cet empereur comme un empereur cuisinier en quelque sorte, c'est une façon aussi de l'associer à un métier qui est jugé indigne hein, d'un empereur et d'un membre de l'élite romaine, et donc une façon aussi finalement de montrer sa mollesse, qui est une notion hein, très importante chez les Romains, hein, que doit éviter tout citoyen, qui au contraire doit affirmer sa vertu. Donc les raffinements culinaires sont une façon, une des meilleures façons finalement de s'éloigner de ce qui est attendu d'un citoyen. Un discours moral qu'on retrouve également chez Sénèque par exemple au 1er siècle. Oui, chez Sénèque au 1er siècle, Sénèque qui est un personnage lui aussi intéressant parce que Sénèque s'intéresse à la gastronomie, il s'intéresse aussi à la diététique. Ces champignons, poison délicieux, tu penses qu'ils n'opèrent point en toi quelque sourd travail alors même que leur action n'est pas instantanée ? Quoi, cette neige consommée en été, tu crois qu'elle ne provoque pas un durcissement du foie? Ces huîtres, chairs toutes mollasses et engraissées de fange, ne nous transmettraient rien, selon toi, de la pesanteur limoneuse? Quoi, le garum, précieuse pourriture de méchants poissons, ne brûle pas, à ton avis, l'estomac de sa dissolution en saumure? Ces mets purulents et qui passent presque instantanément du feu des fourneaux à la bouche, ne laisse à ton sentiment aucune lésion quand ils s'éteignent au beau milieu de nos entrailles. Après cela, quelle éructation écœurante et empestée. Quel dégoût de soi à sentir passer le relent d'une indigestion. Sache-le, dans l'estomac, ces substances absorbées ne se digèrent pas. Elles s'élaborent en pourriture. Nathalie Canoui qui lisait un extrait d'une lettre à Lucilius de Sénèque où il y a tout un aspect, et d'ailleurs il est essentiel, celui de la diététique. Véronique Zeck, dans ce que vous connaissez, archéobotaniste que vous êtes, de l'intérêt porté aux plantes, il y a des choses qui nous étonnent, notamment sur l'utilisation de plantes, je pense à la coriandre, hein, qui avait été longtemps utilisée par les Romains, qui a été oubliée, qui revient aujourd'hui. Les plantes utilisées pourraient être qualifiées aussi de certaines, hein, de plantes médicinales. Il y a une vraie association pour le bien-être. Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs beaucoup de plantes qui sont utilisées couramment comme épices et comme condiments, mais qui sont aussi très intimement liées au processus de conservation des mets et qui sont aussi également des plantes médicinales. Donc c'est le cas de la coriandre, mais c'est aussi le cas de la rue, de la nette, d'autres plantes encore. Et certains de ces produits, d'ailleurs, comme les agrumes, avant d'entrer dans la cuisine en tant que condiment, ont d'abord été importés comme plantes médicinales. Et on les retrouve d'ailleurs dans des contextes qui évoquent ces usages et également en contexte de sanctuaire, dans des contextes cultuels. Et donc c'est petit à petit finalement qu'ils ont intégré la cuisine en changeant de statut. Mais il y a effectivement plusieurs usages qui sont intimement liés, et souvent l'usage culinaire est lié également à l'usage médicinal, puisque l'alimentation va apporter un équilibre, et il y a des alimentations, des mets qui sont recommandés pour les malades ou pour les personnes en convalescence, par exemple. Oui, c'est essentiel aussi de mettre cela en place dans cette grille de lecture pour essayer de comprendre la cuisine de l'Antiquité, Dimitri Tillois d'Ambrosie. La nourriture est ce que l'on est, avec cette constante rivalité entre manger frugal, manger trop, le signe de l'opulence ne va pas avec, est un autre signe, hein, celui de la frugalité, c'est l'austérité romaine. Absolument, lorsque l'on regarde les sources aussi bien morale que médicale, on trouve un discours très fort hein, sur les choix alimentaires et les comportements également face à l'alimentation. Alors, le discours de la morale et des philosophes, hein, que l'on retrouve notamment chez Sénèque, hein, dans l'extrait que l'on a lu, considère en effet que tout excès est mauvais pour l'âme, toute démesure est mauvaise pour l'âme et aussi pour le corps, puisque Sénèque hein, considère la nourriture qui est ingurgitée, des nourritures qui baignent dans des sauces comme le garum, des nourritures molles aussi, qui conduisent à cette fameuse mollesse hein, que cherchent à éviter en principe hein, les citoyens romains, eh bien de telles nourritures ne se digèrent pas, elles pourrissent. Et en fait, Sénèque fait ici une forme de comparaison médicale, puisque dans le monde médical, la digestion est tout à fait fondamentale. Elle est au cœur du bon fonctionnement du corps, en vertu d'une théorie qui considère, donc la théorie de la coction, il considère que la nourriture cuit une seconde fois dans l'estomac. Donc pour le médecin également, la mesure, le choix pertinent des aliments en fonction des besoins du corps, selon un régime personnalisé, doit permettre également d'atteindre un équilibre du point de vue de la santé. Mais le discours du médecin est également empreint souvent d'une dimension morale. Galien dit que le médecin doit également être philosophe. Donc on a en effet une combinaison de valeurs, de normes hein, dans les choix alimentaires qui sont pratiqués, et c'est finalement là un des fondements de la diététique qui ne s'intéresse pas seulement à l'alimentation, mais qui considère toute l'hygiène de vie au quotidien. C'est une hygiène de vie qui est destinée finalement à soutenir la santé ou bien à la corriger dans le cas d'une maladie. Alors c'est une diététique qui est aussi d'ailleurs, je voulais le préciser, un des points de l'exposition Une salade César, hein, qui se tient donc au musée Lugdunum à partir du mois de décembre, et où on revient justement sur ces régimes personnalisés en fonction du statut social, en fonction notamment des activités professionnelles qui sont pratiquées, en fonction de l'âge, en fonction du sexe. Donc la nourriture doit en effet être choisie hein, de la façon la plus diligente possible afin de ne pas nuire au corps, mais aussi de ne pas nuire à l'âme. Et on a beaucoup parlé durant l'émission de produits aromatiques, hein, de sauces, de plaisir du goût. Certains moralistes comme Plutarque, hein, qui écrit donc à la fin du 1er siècle, estiment que finalement, loin des raffinements de la cuisine sophistiquée d'un Apicus par exemple, hein, eh bien les meilleurs condiments, à l'image des Spartiates qui sont érigés en modèle de vertu pour les Romains, le sel et le vinaigre suffisent à donner le nécessaire pour le goût et en même temps en étant des produits sains pour le corps. Loin de sauces complexes ou de produits qui, si on reprend l'image de Sénèque, hein, rongent les entrailles et rongent également l'âme. Et l'un d'individu qui vient finalement se retrouver dénué de sa dignité de citoyen romain. Voilà, quelques légumes avec un peu de vinaigre ou quelques navets à peine bouillis. Mais ce serait tout de même dommage d'évoquer la cuisine antique sans participer à une orgie. Comment vous l'avez déjà fait cuire? Et pour aller plus vite, vous l'avez même pas vidé. Et vous me la portez comme ça, où est le cuisinier? Amenez-le-moi. Tu l'as cuit tout entier comme ça, sans le vider. Pitié, mon bon maître, pitié. Gratez-le et fouettez-le. J'ai eu tort, c'est vrai, j'ai eu tort. Mais pitié. Pardonne-lui, Gaius. Pardonne-lui, Gaius. Alors quoi, misérable, qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi, ouvre-le. Quelle merveille. Des grilles. Des gras, des chétiers de poisson, des colliers de saucisses, des pigeons tendres de nodu, des escargots, des oignons farcis, du jambon et du grip. Contre Malchion. T'as-tu à rire, bêta? Tu te chatouilles, le luxe d'un autre? Tu es plus riche que lui, peut-être. Tu donnes de plus fastueux banquets. Un extrait du Satyricon de Federico Fellini, un film de 1969. Dimitri Tillois d'Ambrosie, rassurez-nous, les orgies ont existé. Elles ont probablement existé, mais de façon très limitée, bon, au risque de décevoir les auditeurs. Et il s'agit en effet d'une forme de mythe, en quelque sorte, qui a été amplifiée par la littérature, le cinéma, et notamment l'adaptation réalisée par Fellini du roman, donc du Satyricon. Alors, je voudrais rappeler en premier lieu que le terme d'orgie, en fait, revêt avant tout un sens religieux pour les Romains. Si on emploie le mot orgie tel qu'on conçoit pour un Romain, il ne comprendrait pas en fait ce à quoi on fait référence. C'est un terme religieux qui désigne notamment des moments de beuverie, mais qui ont une dimension sacrée, qui permet en effet l'union avec la divinité. Et notamment, on pense aux fameuses bacchanales qui ont provoqué un scandale à l'époque républicaine, où l'ivresse permettait donc l'union avec Bacchus. Alors, les repas excessifs, qui nous sont notamment rapportés par les sources morales, par les sources satiriques, ont existé, c'est évident. Mais il faut être prudent, dans le sens où ces moralistes, tels Sénèque, tels Plutarque par exemple, ou les auteurs satiriques comme Martial par exemple, dans les épigrammes, nous rapportent souvent en effet des goinfres, des individus qui à la fin du repas cherchent à ramener autant de restes que possible chez eux pour les revendre ou pour les manger. Cela a existé, mais il s'agit évidemment de sources qui tendent à amplifier et à déformer la réalité. En réalité, lorsque l'on regarde de plus près les sources, une analyse plus fine montre que pour les Romains, la norme est justement la mesure, la frugalité, la sobriété. Donc l'orgie ne fait pas partie, en tout cas l'orgie telle qu'on l'entend, un repas qui serait démesuré, où ensuite toutes les débauches pourraient avoir lieu, cela ne fait surtout pas partie des normes attendues du citoyen romain et de la morale romaine. Voilà, la morale romaine qui dépasse simplement le fait de se goinfrer. Là, vraiment, cette émission, merci beaucoup à vous Dimitri Tillois d'Ambrosi, merci beaucoup à vous Véronique Zec, était juste pour nous ouvrir l'appétit sur cette cuisine antique et romaine. Dimitri Tillois d'Ambrosi, je rappelle les titres de vos ouvrages, L'Empire romain par le menu et Les voyages d'Adrien sur les traces de l'empereur nomade. Et Véronique Zec, il faut aller voir cette sublime exposition Dernier repas à Pompéi au Musée de l'Homme. C'est un très beau titre, un Dernier repas à Pompéi. Mais il y a aussi très beau à Lyon au Musée Lugdunum avec ce titre, Une salade César. Retrouvons maintenant Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'Histoire, un incendie lourd de conséquences. Samedi 5 décembre, l'église Middle Collegiate à New York a été largement détruite sans faire de victimes par un incendie qui s'était déclaré dans un immeuble voisin. Le maire de la ville, Bill de Blasio, a d'ores et déjà assuré que tout serait mis en œuvre pour reconstruire le bâtiment situé dans l'East Village au sud de Manhattan et l'a qualifié d'icône, un terme repris par la chaîne ABC7 qui titrait son sujet sur l'incendie History in Flames, l'histoire en flammes. A historic church in Manhattan that houses New York's Liberty Bell and whose congregation dates the city's earliest days was gutted by a massive fire this morning. Flames could be seen shooting through the roof before dawn at the Middle Collegiate Church in the East Village, leaving only the church's stone facade intact. Horrified church members looked on as their beloved sanctuary, founded in 1892, crumbled. Right before their eyes. Middle Collegiate avait été construite il y a 128 ans au moment de la création de la ville et comptait parmi les édifices religieux les plus anciens du pays. S'il n'en subsiste aujourd'hui que la façade en pierre, malgré l'intervention des pompiers, sa valeur patrimoniale résidait aussi dans un objet d'une portée symbolique énorme pour l'histoire des États-Unis. Une des deux Liberty Bells, les cloches de la liberté, que l'on avait fait sonner au moment de l'indépendance des États-Unis en 1776, y était conservé. On ne connaît pas encore le degré des dégradations subies par la cloche de Manhattan. Une émotion autour de la disparition d'une église qui ne manque pas de faire écho à l'incendie de Notre-Dame en 2019, avec une nuance fondamentale, la place de la religion et son rôle dans la vie citoyenne américaine sans comparaison avec le cas français. Si la cathédrale parisienne était très investie par le tourisme international et l'histoire de sa construction sur des centaines d'années, ses trésors d'architecture et sa postérité littéraire, l'église de Middle Collegiate s'inscrivait résolument dans les préoccupations de son temps. Construite en 1892, l'église gothique abritait une congrégation protestante fondée en 1763, datant de la colonie néerlandaise de l'île dans les années 1620, avant la Révolution américaine. Pour autant, la congrégation qui en était propriétaire était très impliquée dans l'actualité puisqu'elle affichait son ouverture multiculturelle et multiraciale, son soutien aux migrants, aux communautés LGBTQI et soutenait aussi, y compris financièrement, le mouvement Black Lives Matter, des mots encore visibles sur la façade sauvegardée. Sur le site internet de l'église, on peut encore lire la profession de foi de la congrégation. Middle Church est l'endroit où la thérapie et Broadway se retrouvent, le lieu où l'art et la danse rencontrent le renouveau du gospel, le lieu où la religion prend un nouveau tournant. Nous sommes Bach, les Beatles et Beethoven, nous sommes jazz, hip-hop et musique sacrée. Une église historique de quartier qui avait su rester de son temps. Merci beaucoup Anaïs. On retrouve le journal de l'histoire sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. Toute la semaine, le cours de l'histoire sur France Culture se trouve à table, oui, pour une histoire des cuisines à travers le monde. Le lundi, c'est ravioli chinois, le mardi, c'est spaghetti antique, le mercredi, c'est sushi, une tranche d'histoire, le jeudi, c'est méchoui et couscous aussi. Ce sont des émissions à écouter et à podcaster pour la balado-diffusion, pour les écouter en ligne aussi sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, et sur l'application Radio France. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Vudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrens. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Et donc demain, nous allons nous faire quelques sushis. Oui, demain, une petite tranche d'histoire pour la cuisine venue du Japon.